Chapitre 4. Naissance de la poésie. Penchant naturel pour l'imitation. Goût du chant et du rythme. Deux caractères différents de la poésie. Origine de la tragédie et de la comédie. La poésie semble devoir sa naissance à deux choses que la nature a mises en nous. Nous avons tous pour l'imitation un penchant qui se manifeste dès notre enfance. L'homme est le plus imitatif des animaux. C'est même une des propriétés qui nous distingue d'eux. C'est par l'imitation que nous prenons nos premières leçons. Enfin, tout ce qui est imité nous plaît. On peut en juger par les arts. Des objets que nous ne verrions qu'avec peine, s'ils étaient réels, des bêtes hideuses, des cadavres, nous les voyons avec plaisir dans un tableau, lors même qu'ils sont rendus avec la plus grande vérité. La raison est que, non seulement les sages, mais tous les hommes en général, ont du plaisir à apprendre, bien que ceux-ci n'y participent pas autant. Or, les imitations font plaisir, parce que dans l'instant même qu'on les voit, on sait, par un raisonnement aussi prompt que le coup d'œil, ce que c'est que chaque objet, par exemple, que c'est un tel. Si l'on n'a point vu l'original, alors ce n'est plus de l'imitation que vient le plaisir, mais du travail de l'art ou du coloris, ou de quelque autre cause. Le goût du chant et du rythme ne nous étant pas moins naturel que celui de l'imitation, car il est évident que le vers fait partie du genre rythmique, ceux qui, dans l'origine, se trouvèrent nés avec des dispositions particulières, firent des effets de génie, lesquels, se développant peu à peu, donnèrent naissance à la poésie. Or, celle-ci, en naissant, suivit le caractère de ses auteurs et se partagea en deux genres. Ceux qui se sentaient portés au genre noble peignirent les actions et les aventures des héros. Ceux qui se sentaient portés vers les genres bas peignirent les hommes méchants et vicieux et firent des satires comme les premiers des hymnes et des éloges. Nous n'avons rien dans ce second genre qui soit plus ancien qu'Homère, quoique, selon toute apparence, il y ait eu beaucoup de ses ouvrages avant lui. Mais, à partir d'Homère, nous en avons, tels que son Margites et d'autres, dans lesquels on a employé l'iambe, qui est le vers propre à la satire, à laquelle même il a donné son nom, qu'elle porte encore aujourd'hui, parce que c'était en vers iambique que les poètes s'escrimaient les uns contre les autres. Ainsi, dans l'origine, deux sortes de poètes, les uns héroïques et les autres satiriques. Comme Homère a donné le modèle des poètes héroïques, je le cite seul, non seulement parce qu'il excelle, mais parce que ses imitations sont dramatiques, il a donné aussi la première idée de la comédie, en peignant dramatiquement le vice, non en odieux, mais en ridicule. Car son Margites est à la comédie ce que l'Iliade et l'Odyssée sont à la tragédie. La tragédie et la comédie s'étant une fois montrées, tous ceux que leur génie portait à l'un ou à l'autre de ces deux genres préférèrent, les uns de faire des comédies au lieu de satire, les autres des tragédies au lieu des poèmes héroïques, parce que ces nouvelles formes avaient plus d'éclat et donnaient aux poètes plus de célébrité. Quant à examiner si la tragédie a maintenant atteint ou non toute sa perfection, soit considérée en elle-même, soit relativement au théâtre, c'est une autre question. La tragédie étant donc née comme d'elle-même, ainsi que la comédie. L'une du dithyrambe, l'autre des farces satiriques, qui sont encore en usage dans quelques-unes de nos villes. La première se perfectionna peu à peu, à mesure qu'on apercevait ce qui pouvait lui convenir, et après divers changements, elle se fixa à la forme qu'elle a maintenant, et qui est sa forme véritable. Elle n'avait d'abord qu'un acteur. Échille lui en donna un second. Il abrégea le cœur et introduisit l'usage d'un prologue. Sophocle ajouta un troisième acteur, et décora la scène. Il donna aux fables plus de grandeur et au style plus d'élévation. Ce qui toutefois se fit assez tard, car l'un et l'autre se ressentirent assez longtemps des farces satiriques, dont la tragédie tirait une partie de son origine. Le vers, de tétramètre qu'il était, devint trimètre. Le tétramètre avait été employé dans le commencement parce que la première poésie était satirique et toute dansante. Mais dès que le dialogue fut introduit, le genre de vers qui lui convenait le plus fut indiqué par la nature même. Car de tous les vers, l'iambic est le plus propre au dialogue. Cela est si vrai qu'il nous en échappe souvent dans la conversation. Au lieu que nous ne faisons guère d'hexamètre que quand nous sortons du style simple. Enfin, on multiplia les épisodes, et on perfectionna les parties les unes après les autres. C'en est assez sur cet objet, car il serait long d'en marquer tous les degrés.